bienvenue au retour de Laval Fans. Je dis retour parce que, comme vous en êtes rendu, on a été en petit silence radio pendant Charlie, dis-moi à peu près, on a fait 3 semaines de silence? Ouais, presque, ouais, peut-être même un petit peu plus. On a été pas mal tranquille là, dans les dernières semaines, malgré... dû à certains événements, hein? Oui, bien, c'est ça. Hein? Charlie, je te salue tout d'abord. Je m'excuse, je rentre vite en matière, mais je suis tellement excité parce que ça fait longtemps qu'on le fait que là, je me mets dans le beat. Là. Tu rentres ici comme dans un moulin, tu cognes pas à la porte, me présente pas. Je me sens comme chez nous, moi, quand j'arrive chez toi. Mais hein? Je disais qu'on était en silence radio, mais encore là, c'est pas parce qu'on n'a pas travaillé fort. Comme vous vous en êtes rendu compte, pendant une semaine et demie, on a eu de l'inactivité sur le site web. Parce qu'on a eu un petit coquin qui est un robot hacker, en bon français, ça ressemble à peu près à ça. Donc, si vous avez vu apparaître l'image de The Grunch sur le site web, c'était simplement parce qu'on a eu une petite attaque à notre site web et c'est pas des adversaires. Il y en a certains qui ont mis la faute sur les carabins parce que ça s'est présenté pas longtemps avant. Mais c'était loin d'être le cas. C'est un robot qui, pour ma part, a fait le dommage sur 6 sites web que je m'occupe au travail. Donc, j'ai eu de l'ouvrage en masse. Oui, effectivement. Hein? Ça a été bien dur de récupérer le site web, la base de données et de s'assurer qu'on n'allait pas perdre de personnes derrière nous. Ton côté, Charlie, ben ça t'a pas empêché de prendre des photos? Non, on continuait les photos. Il était un peu plus occupé côté travail, donc ça a été dur là, de effectivement produire un Laval Fans dans les dernières semaines. Mais photos, ça, on en a fait une qui a fait beaucoup, beaucoup jaser. Le fameux fond d'écran de Jean-Philippe Gilbert, M. Travolta Gilbert, qui a été... ça a été... Je suis probablement le seul photographe qui a cette photo-là, mais celle-là, je vais regarder ça dans mes annales. J'ai pas vérifié les téléchargements, mais je sais que... c'est en début de semaine, si je me trompe pas, il y avait déjà eu peut-être quelque chose comme un 80 téléchargements. Donc, ça veut dire que probablement Jean-Philippe, aujourd'hui, il traîne comme fond d'écran sur probablement une cinquantaine à tout le moins d'ordinateurs. Là. Il y en a qui sont vraiment freaks. Ah non, mais ça avait du soleil dans la journée. Moi, j'ai remplacé les filles Budweiser par Jean-Philippe pour... passer au travers de ma semaine avec mes hackings. T'as changé des courbes pour des courbes. Vu comme ça, c'est une bonne façon. Écoute, là-dessus, Charlie, on n'est pas seul. Comme à chaque semaine, hein, on est toujours en bonne compagnie. On a de la super belle visite. Puis cette semaine, tu sais, Philippe, je trouve tout le temps une super phrase pour présenter nos invités un peu. Un homme de punch. Et cette semaine, je dois dire qu'on fait très produit du terroir cette semaine. OK. C'est comme si on recevait et là, écoute, je veux pas dire que tu pues, mais c'est comme si on reçoit un petit fromage local aujourd'hui. C'est le fun, je trouve ça super. Un gars de la place, un petit produit du terroir. C'est pour ça que je dis ça. Un petit fromage de la place avec qu'est-ce qui s'est passé, c'est gentil. C'est gentil. Écoute, Charlotte, t'as pas nommé, mais c'est Mathieu Parent. On est content de t'avoir ici avec nous aujourd'hui. Ah, ça, c'est la présentation. En tout cas, je t'en forme. Hey, bienvenue dans nos Rutilant Studio. Yes. On est bien, hein? Ben oui, il n'y a aucun problème avec ça. Good. C'est relax. Oui. Ça, il n'y a pas à dire. Ben, Matt, on parle de relax. Tu arrives d'ici, tu sors d'une pratique. Grosse préparation cette semaine, j'imagine. Oh oui, ça arrête pas vraiment. Disons que depuis les playoffs là, qui ont commencé, là, on met énormément d'emphase. Là, même si on dit tout le temps school first, là, je veux dire que sur le terrain, on fait du vidéo, on a beaucoup de meetings, fait que c'est pas les efforts qui manquent sur le terrain. Et c'est pas évident non plus, j'imagine, de se préparer pour un match comme ça après une semaine de relâche. C'est sûr et certain que durant la semaine de relâche, on avait vraiment, vraiment beaucoup de temps pour se préparer pour les carabins. Puis on se le cachera pas, les carabins, c'est une grosse rivalité avec nous autres, même si Concordia, là, ça fait depuis une couple d'années là, que la Coupe d'Ansmore, c'est contre eux. C'est toujours contre eux, c'est mais ça. C'est sûr que c'était un match émotif, c'est un très gros match, fait que revenir de ça, là, c'est sûr qu'émotivement, là, ça a pris lundi, mardi, là, mais depuis mercredi, là, on a recommencé à travailler. Puis heureusement, cette semaine, vous avez du beau temps, parce que la semaine passée... Ça devait pas être facile d'aller pratiquer, là. La première pratique, il mouillait, il ventait. La deuxième, il neigeait. Fait qu'on disait que Ils voulaient tous nous, nous ralentir contre les Carabins, mais on a mis les bouchées doubles, puis ça s'est très, très bien terminé. Puis là, ben, je sais que c'est une question qui revient souvent. Là, vous vous trouvez à pratiquer de soir. Vous avez toujours le gros système d'éclairage improvisé là, sur la ligne de côté. C'est sûr que c'est la première fois, là, à cause qu'on a reculé l'heure en fin de semaine, là, que dès qu'on sort des meetings à 4h30, là, c'est déjà autour des spots, comme on dit. Là. Fait que c'est sûr qu'au niveau de la vision, ça diminue un peu, mais on sait toujours... Ça vous permet quand même, c'est ça. Hey, tu parles du meeting à 4h30. Parle-nous donc un peu comment ça se passe une journée avec l'école puis le football présentement pour vous autres là, dans les playoffs. Ben, je pourrais dire que ça change pas vraiment de la saison parce que nous autres, moi, je vais plus parler défensivement parce que nous autres, on est vraiment une défensive qui est axée à reconnaître le jeu de l'adversaire. Fait qu'il faut faire beaucoup de vidéos. Mais habituellement, là... On a des cours le jour de 8h30 à 11h30. Moi, en tout cas, ma situation, disons que j'ai des cours par correspondance, fait que ma dernière session là, est bien relax, puis j'aime ça comme ça. Mais habituellement, c'est ça, à midi, notre physiothérapeute Guy Asselin là, arrive, fait que de midi à 2h30, 3h, c'est des traitements pour ceux qui ont des traitements. Sinon, on peut descendre là, à 2h, là, à partir de 2h, 1h30, 2h pour aller faire du vidéo. Après ça, les meetings, tout le monde... Ben, par unité, offense, defense, nous autres, on est au bureau des coachs en bas. De 3h30 à 4h30, on a des meetings tout le temps. De 4h30 à 6h30, on est sur le terrain. Ça, c'est à toutes les semaines? À tous les jours. Tous les jours? Oui, excuse, non, c'est ça, mais je... Depuis le début de la saison, depuis le début de la saison, c'est vraiment l'horaire là, que vous avez fixe. C'est pas un spécial série. Là. Même durant le pré-camp, là, c'est plus que ça. Il faut arriver à 8h30, on est sur le terrain à 9h jusqu'à 11h. Après ça, on dîne, on a des meetings. Après ça, on a une autre pratique en après-midi, en soirée, des meetings jusqu'à 9h. Fait que c'est assez intense. Vous arrivez à étudier quand? On est des gars très disciplinés, puis on trouve tout le temps du temps. Mais sérieusement, comme on l'a tout le temps dit, le monde pense que les joueurs de football, là, c'est juste 3 mois par année. Mais il ne faut pas penser que durant l'hiver, là, du mois de janvier au mois d'août, là, c'est 6 entraînements. On a juste le dimanche. Ça continue tout le temps. Ça continue tout le temps. Fait qu'on se fait une discipline de vie, puis il faut la respecter la plus possible. Mais c'est une discipline que toi, tu suis depuis longtemps. Regarde, t'as commencé à jouer au football. Et ben, en 93-94. J'étais en cinquième année. OK, en cinquième année? Quand ça a commencé? Ouais, j'ai commencé en cinquième année parce que mon frère était à l'Externat Saint-Jean-Eudes. Puis durant les étés, il y avait tout le temps une semaine ou deux des camps d'école. Ah, fait que dès que okay. J'étais en cinquième année, là, j'ai commencé là, à... Toucher au ballon ovale. À être un vrai accro là, du football. Puis après ça, j'ai commencé quand, en secondaire 1 en 96, là, quand je suis rentré à l'Externat Saint-Georges. Fait que depuis ce temps-là, disons que ma passion, je l'ai vue au complet au niveau du football. C'est une discipline de vie avec laquelle tu es habitué depuis le temps. Là. Ah, effectivement, puis comme je t'ai dit tantôt, là, quand j'étais à Garneau après pour sauter un bond là, au cégep, là, j'étais en technique d'intervention en délinquance. Fait qu'en technique, j'avais 8 cours par session. Fait que je vais te dire que les 2-3 heures que j'avais pour aller à la bibliothèque, j'y allais, puis c'est vraiment une structure de vie. Puis en plus que au cégep, les meetings puis les pratiques, c'est le soir là, de 6h30 à 8h30. Fait que quand t'arrivais à la maison, tu tombais dans le lit, là, ça prenait pas trop de temps. C'est sûr, mais en même temps, c'est une belle préparation. Là, pour la vie en général, là, c'est sûr, certain qu'à chaque fois qu'on le dit, puis il y en a beaucoup là, au niveau des employeurs qui nous regardent parce que leadership, après ça... je vais dire qu'on est structuré, puis c'est sûr et certain que c'est une bonne école de vie. Puis as-tu toujours eu un bon encadrement scolaire, que ce soit Saint-Jean-Eudes, que ce soit Garneau, puis maintenant avec l'Université Laval? C'est sûr et certain que, comme on dit, si tu veux revenir la prochaine saison, il faut que tu passes des cours. Fait que c'est sûr et certain que dans chaque programme que j'étais allé, on mettait beaucoup, beaucoup d'emphase sur les études, parce que veux pas... Si tu veux graduer, si tu veux aller à l'université, puis ultimement dans la Ligue canadienne, c'est sûr et certain qu'il faut que tu passes tes cours. Fait que nous, on est conscients de ça, mais les coachs aussi sont conscients. Parce que s'ils commencent à former un gars, je peux te dire n'importe qui, là, Turmel, là, ben, Laveau présentement, je parle des secondaires, c'est sûr et certain que c'est des excellents athlètes première année, sauf que s'ils ne passent pas leurs cours, mais l'an prochain, ils sont pas là. Ça va être terminé, c'est ça. Ils mettent beaucoup d'emphase sur eux autres pour la relève, puis s'ils ne sont plus là, ben, fait que c'est sûr et certain qu'à l'Université Laval, avec Gino et Pepe Esposito, là, ils mettent beaucoup d'emphase là, sur les périodes d'études, puis il faut que tu y ailles, puis il n'y a pas de compétition. Non, c'est ça. Puis, mais je pense que c'est payant parce que En fait, si je dis ça, c'est que cette semaine, il y a eu une nouvelle pour justement dire que l'Université Laval était l'université qui avait gagné le mérite académique auprès des étudiants athlètes. Donc, c'est eux les premiers au pays, mais c'est la deuxième année. C'est pour ça que je me demandais au niveau de l'encadrement, si eux y allaient avec une façon particulière. Oui, bien c'est sûr, certain. Moi, je peux parler du football, je ne sais pas les autres sports, mais c'est sûr et certain que dès que tu es recru, c'est sûr que tu es dans l'encadrement académique. Ça, il n'y a aucun compromis avec ça. Ils te mettent une structure parce que veux pas. Excusez, quand tu rentres à l'université, là, c'est un petit peu plus gros que le cégep, c'est un petit peu plus gros que le secondaire, fait que, tu sais, il faut pas te perdre là-dedans non plus. Puis nous autres, en tant que vétérans aussi, on aide les recrues à les structurer. On parlait de l'externat Saint-Jean-Eudes tout à l'heure. Bon, excusez. Depuis t'as tantôt, j'essaie d'ajuster ton micro, mais c'est mon micro que je baisse depuis tout à l'heure. Good job, Charlie. Good job. Je pense qu'on a pas de bière à soir. Hein? Non, c'est ce qu'on fait. Là. Nous autres aussi. On est par solidarité, quand on se laisse tous pousser à la barbe. On parlait de tout à l'heure à l'externat Saint-Jean-Eudes. C'est-tu aussi le même espèce d'encadrement que vous aviez aussi au secondaire? Aviez-vous vraiment, admettons, votre coach, est-ce qu'il était responsable aussi de vos un peu de vos succès académiques? C'est sûr et certain qu'au point de vue secondaire, qu'est-ce qui est un peu spécial, c'est que moi, mes coachs, c'était aussi mes professeurs. Donc, c'est sûr et certain qu'au bureau des profs, comme on dit, ça se parle assez, puis... Disons qu'il faut pas que tu mettes un travail en retard parce que tu le sais, puis disons qu'on courait pas mal au niveau cardio à cause de ça. Mais avant les pratiques, on avait des périodes d'études, puis oui, c'est vraiment encadré parce que veux pas, comme je l'ai dit, il faut que tu passes tes cours, t'as pas le choix. Puis moi, je vais parler de l'externat Saint-Jean-Eudes, mais même si t'étais la All-Star, si t'avais une retenue, puis c'était pendant un match, mais tu perdais ton match. Là, fait que ça, c'était des règlements de base. Fait que tu voulais pas que ça t'arrive. Ben, ça se maintient aussi au niveau universitaire. On l'a vu avec des joueurs du Rouge et Or, je me souviens. Mathieu Bertrand, une année, Bertrand. Je pense qu'il avait manqué pratiquement une année au complet à cause de ses résultats scolaires. Là, je veux pas. J'y vais de mémoire. Oui, non, il y a eu Mathieu Bertrand, il y a eu. J'ai commencé, il y en a qui n'ont pas fait des voyages dans les maritimes. Oui, ben oui, effectivement. Oui, je me souviens, je pense. Oui. Ça, sérieusement, c'est aucun compromis. Puis quand tu embarques dans une machine comme le Rouge et Or, t'embarques à fond, puis il faut que tu suives les règlements, puis ça fait partie de la première règle. Et as-tu toujours été à défensive? J'ai toujours été secondaire. T'avais peur du ballon? Non, c'est, je pense que j'aime frapper, puis j'aime être agressif. Ça s'est développé jeune. Ouais, ça s'est développé jeune. Je sortais un peu mon agressivité là-dedans. Non, mais à l'externat Saint-Jean-Eudes, on était des équipes de 30-34, fait que c'est sûr que tout le monde jouait ball twist là, des deux côtés du terrain. Fait que je jouais aussi porteur de ballon, mais j'ai toujours été ma position préférée, c'est secondaire. Et puis, as-tu toujours évolué pas mal comme secondaire au secondaire aussi? Oui, disons que ça va faire 13-14 ans que je joue, puis j'ai toujours joué secondaire extérieur à ma position. Fait que c'est pour ça que j'étais assez à l'aise à la position que je suis. Les deux, on s'en regarde. C'est drôle, c'est toujours comme ça. Hein? On oui. finit par avoir une période d'hésitation. On n'a pas de cue. Hein? Puis en plus, là, on a tout le temps un setup un peu. Ouais, t'es dans mon angle mort. C'est gentil. Vas-y, ça. Philippe, les aînés d'abord. Les aînés d'abord. Écoute, moi, c'est parce qu'on parle de ton parcours et tout ça. Là, une fois que tu as passé l'externat de Saint-Jean-Eudes, une fois que tu es arrivé à Garneau, évidemment, il y a la step pour monter à l'Université Laval. Dans ton cas, est-ce que tu as eu l'occasion de peut-être penser à autre chose, puis aller peut-être avec les Carabins, aller avec Sherbrooke, ou ton choix a été définitif quand tu as quitté Garneau? Moi, sérieusement, comme je l'ai dit avant que ça commence, j'ai fait ma technique d'intervention en délinquance parce que je pensais, après mes 3 ans, aller sur le marché du travail. Okay. Je pensais que ça avait très bien été au niveau secondaire. Après ça, à Garneau, j'ai fait Team Canada en 2003. Ça a quand même bien été, mais c'est à partir... du fait que j'ai fait Team Canada, que là, je me suis... Tu sais, il y a des coachs qui sont venus me voir, fait j'ai dit, on pourrait commencer à penser universitaire. Mais moi, dans ma tête, quand j'étais allé à Garneau, c'était pour faire ma technique puis aller sur le marché du travail. Je pensais même pas aller à l'université. Puis, gars, là, je vais finir mon deuxième bac. Fait que... Tu le regrettes pas? C'est certain que je le regrette vraiment pas. Mais quand il est venu le temps, là, au niveau des... En 2004, là... C'est sûr qu'il y avait McGill, Sherbrooke, puis les Carabins, pour ne pas les nommer trop fort, puis l'Université Laval. Mais c'est sûr et certain que quand tu es un gars de Québec qui vient de Charlebourg, puis tu as un téléphone de Glenn Constantin, C'est ça, ça doit être exactement, c'est ça. Là, ouais. Effectivement, ça pèse lourd, mais à la fin, c'était soit McGill ou Université Laval, McGill, parce que l'anglais, puis c'est une école renommée. Oui. Mais après tout, qu'est-ce qui s'est passé avec ce club-là? Malheureusement, je suis bien content d'avoir choisi. En bout de ligne, oui. Puis, as-tu déjà été courtisé aussi par la NCAA ou as-tu déjà eu des visées vers là? Puis, Ben, disons que quand tu vas faire Team Canada, c'est sûr et certain que moi, c'était à San Diego. Là, c'est sûr que des coachs. T'envoies là-bas aussi. Puis, là. Mais c'était vraiment pas dans. De toute façon, je pense que le calibre maintenant. Qui est offert avec le calibre universitaire. Ah, ben c'est sûr et certain que. Mais là, il y a beaucoup de pourparlers, puis en tout cas, les journaux, puis ça, pour le rougeur dans NCA. Là. Mais en tout cas, ça, on verra. Là. Ça va peut-être être mes enfants qui vont y aller. Là, parce que, on va dire une affaire que c'est un gros step. Là. Mais c'est sûr et certain que, point de vue, là, moi, je parle de l'Université Laval. Là, on a des coachs vraiment chevronnés, puis sont vraiment perfectionnistes. Puis on peut vraiment pas être à un niveau bas. Là. Ils nous poussent tout le temps, puis c'est ça qui fait que le calibre. Là, est vraiment fort, là, puis on le voit, là, il y a même des recrues, là, c'est Sébastien Lévesque là, qui est rendu, durant 7 matchs, il n'a pas joué, puis regarde, il explose. Là. Fait que c'est pas parce que vous ne voyez pas des joueurs présentement que le bassin en arrière de nous autres, il n'est pas là. Ben, je pense qu'on l'a vu cette année, la profondeur est là en tabarouette. Juste de votre côté aussi, du côté des linebackers, des gars comme Turmel, comme Laveau, qui sont en arrière de vous autres. Ouais, puis ça, c'est très surprenant, parce que je pourrais dire, en tout cas, je pense qu'il y a des très, très, très, très belles choses, pour ne pas dire encore très, très, très, qui se passent dans au point de vue collégial. Parce que quand il y a des gars comme ça, je parle à Max Bellant, Théo, le receveur, après ça, Mass, Gage Nampas, Drolet, après ça, Turmel, Laveau. Quand c'est des joueurs qui sont d'impact la première année universitaire, là, moi, c'est incroyable quand je vois ça. Parce que moi, ma première année, quand je suis arrivé, là, je dépasse ce niveau-là. Fait que, sérieusement, là, mais de plus en plus, on voit les joueurs collégiales qui vont, même s'ils font, admettons, que admettons une technique en sciences humaines, un deck en sciences humaines ou sciences pures, de plus en plus, les gars vont aller faire leur deck en 3 ans. Pour jouer 3 ans à leur niveau collégial, prendre leurs 3 années d'éligibilité, en tirer le plus profit, puis après ça, les gars arrivent. Premièrement, plus vieux. On sait que les jeunes McGill ont chialé à cause de ça, parce que, bon, nos kids arrivent du collégial, ils arrivent à 18-19 ans, 19-20 ans. Ils n'ont pas le même bassin de recrutement que nous. Oui, aussi. Puis, écoute, aussi, il y a une différence entre un gars de 20 ans et un gars de 18 ans physiquement. Là, c'est, Je pourrais dire, pour enchérir sur ce que je viens juste de dire, c'est spécial parce que moi, quand j'étais en 2003-2004, il y a énormément de joueurs qui restaient 4 ans. Au collégial. Ouais. Fait que quand tu joues 4 ans collégial, tu as juste droit à 4 ans universitaire. Ouais, c'est vrai. Maintenant, ça. Maintenant, c'est rendu 3, fait que tu peux jouer 5 ans universitaire. Fait que ça va être incroyable. Mais c'est ça, de plus en plus, les gars vont passer leurs 3 ans, même s'ils font un deck en sciences humaines ou quelque chose en sciences. C'est là que ça revient aussi au point de vue académique, que les coachs et tous les programmes, ils poussent les gars à ne pas rester à rien faire au point de vue collégial. Pour qu'ils puissent avancer et tout. Puis, je veux dire, l'autre jour, on avait la discussion avec Pat Bois, justement, de Garneau, qui nous disait qu'il y a de plus en plus de coachs aussi à temps plein dans les équipes. Donc, je présume que tout ça, ça devient un gros avantage pour les équipes, parce que là, les jeunes se développent, ils travaillent fort. Ah, c'est sûr, certain que moi... C'est pour ça que la calibre augmente. Je parlais du rouge et or, là, puis ça en fait chialer pas mal de clubs, mais regarde, qu'est-ce que vous voulez, là, mais nous autres, on a beaucoup de joueurs, beaucoup d'entraîneurs, excusez, à temps plein, puis ça... ça fait toute la différence. Là. Quand le playbook commence au mois de janvier, quand on est rendu en Floride, puis le playbook est quasiment fait, puis ça roule comme quand le printemps, là, c'est incroyable. Là. Puis, quand tu as des coachs à temps plein, nous autres, comme j'ai dit, au point de vue de la défensive, on regarde beaucoup les jeux de l'autre côté, on essaie de déceler des clés. Mais quand on a 3 coachs à temps plein, c'est sûr et certain que quand on arrive, on a notre depth chart puis tout, puis... on voit les clés, fait que c'est pour ça qu'on a beaucoup de succès. Là. Puis j'ajouterais aussi le côté physique avec Raymond Veillette. Je pense que ça aussi, ça y est peut-être pour beaucoup, parce que en début de saison, moi, en tout cas, personnellement, une des choses que je remarque souvent, c'est la deuxième demi. On a toujours l'impression que Laval vient de comme réembarquer sur une autre vitesse, puis qu'est-ce que je pousserais encore plus, c'est l'effort que Glenn fait aussi pour garder les joueurs à Québec durant l'été. Ça, c'est incroyable parce que quand on s'entraîne le vendredi, la course est obligatoire, puis on est 60 joueurs sur 84 durant l'été. Ça, c'est incroyable. Ils peuvent garder un contrôle. Tout le monde est là. Puis quand tu arrives le vendredi, puis tu n'es pas entraîné pendant la semaine, puis tu te fais driver par des premières, deuxième années, ton orgueil en bas. On prend un coup. Puis... ça, tu sais, regarde, ça déboule. Puis sérieusement, quand tu t'entraînes durant l'été à 60, quand tu as des recrues qui arrivent, c'est sûr certains qui sont déjà dans le bateau. Puis quand on arrive au camp, on les connaît, puis on a déjà une chimie. Qu'est-ce qui arrive pas à Concordia, ben à McGill, quand ils recrutent à Vancouver, puis tout ça, qui arrive juste une semaine à l'avance. Fait que ça, c'est vraiment incroyable. Ça aussi, c'est un point qui revient souvent avec l'Université Laval. Puis tantôt, on parlait de la profondeur, mais ça le démontre bien aussi au niveau de l'utilisation de certains joueurs, là, même bien établis. C'est le concept d'équipe. Ah, ça, c'est incroyable. Le monde pense que c'est des clichés qu'on dit, les honneurs individuels, les honneurs... Mais nous autres, sérieusement, on dit tout le temps, moi, je vais parler de la défensive, on fait tout le temps notre 12e. Comme on a dit tantôt avant ce reportage-là, on disait qu'en fin de semaine, ça n'a pas beaucoup couru du côté oui, comme on appelle, de mon côté. Mais gars, c'est d'autres joueurs. Puis nous autres, on ne joue pas pour les statistiques, on joue vraiment pour un seul but, puis on ne se le cache pas, c'est la Coupe Vanier. Mais regarde Julien Fioli, qui aurait pu encore une fois tout défoncer. Julien n'a reçu aucune passe. C'est ça. Je vais aller bloquer. Il a fait son 12e, exactement ce qu'il disait. Il a fait son 12e, puis regarde. Puis avec plus de verges par la course que par la passe cette semaine, ce qui est assez extraordinaire. Aussi, qu'est-ce qui est incroyable aussi, c'est un gars qui, en tout cas, il est incroyable dans son éthique de travail. Je parle de Julien. Puis tu vois que c'est pas un cliché lui non plus. Là. Il est vraiment content. S'il faut qu'il bloque pour un de ses teammates, ben, il va le faire. Puis, regarde, tu vois, dans d'autres clubs, là, je les nommerai pas. Si la même situation aurait arrivé, je pense qu'il y aurait 30 verges de pénalité, 50 verges de pénalité. Mais nous autres, on a un concept d'équipe et on va le suivre jusqu'au bout. Cette année, Matt, aussi, rappelle-moi par exemple, je pense que tu l'étais aussi, tu es capitaine sur la défensive cette année. L'an passé aussi. L'an passé aussi, hein? Est-ce que vous avez une espèce de description de tâche de capitaine? Qu'est-ce que Glenn attend de vous autres quand il vous nomme comme capitaine, comme toi, à la défensive? Qu'est-ce qu'il attend de vous autres? C'est sûr, certains qui... d'espace pour le leadership. Il nous donne beaucoup... disons qu'on est sur la corde raide parce que tout au niveau des règlements, qu'est-ce qu'on dit, académique, tout ça, il faut montrer l'exemple. C'est sûr et certain que sa porte est tout le temps ouverte pour si on a des améliorations qu'on veut faire, tout ça. Mais il n'y a pas vraiment de description de tâche précisément. C'est juste qu'il faut suivre la même ligne que des Mathieu Proulx, des Jean-Philippe Abraham nous a dressé, puis apporter le club à bon terme. Fait que vous ajustez, entre autres, un peu comme modèle auprès des autres. C'est-à-dire que sans avoir à le faire, d'une ne serait-ce montrer l'exemple. Un rôle un peu de mentor. Ouais. Ouais, c'est ça. Disons que nous autres, on a su par des grands l'éthique de travail, mais il faut le transmettre. Mais c'est pas, comme on dit, il faut pas que ça soit un fardeau de plus. C'est juste que, durant le match, avant le match, moi puis JP Gilbert, on regroupe la défensive, puis on fait un speech, puis tout ça. Mais c'est vraiment, tu sais, faut pas se mettre trop de pression. C'est avec ça, mais c'est sûr que quand t'es capitaine du Rouge et Or, c'est quand même très... Fait que c'est beaucoup plus loin que dans le vestiaire, puis sur le terrain. C'est vraiment à tous les jours. C'est... Tous les jours, disons qu'il faut aller s'entraîner, il faut montrer l'exemple. Dans les études, il faut montrer l'exemple encore. Fait que c'est vraiment à tous les jours, là, depuis janvier, là, faut montrer l'exemple. Je pense que vous avez bien réussi à défensive parce que vous avez eu une sacrée bonne année. Ouais, ben disons que moi, en tout cas, mais personnellement, c'est pas vraiment la saison que je voulais. Sauf que j'ai manqué 5 matchs. Sauf que encore là, en tant que capitaine, j'ai pas manqué une pratique. J'étais là pour aider Turmel, Lavaux, puis tout Vincent Lehoux, tout ça. Fait que... Oh, puis je me souviens, on se voyait sur les lignes de côté quand t'étais blessé. Puis écoute, t'étais assez intense. Merci. Oh, regarde. C'est sûr et certain que quand tu vois tes teammates, puis c'est ta dernière saison, regarde, moi, j'espère que mon décompte est à 3 games. Fait que c'est sûr que tu veux pas en manquer. Mais regarde, c'est du passé. Maintenant, les playoffs, comme on dit, c'est une nouvelle saison. C'est une nouvelle saison. Puis là, ben, physiquement, ça va bien. J'étais un petit peu stressé parce que quand j'avais fait une entrevue avec Red Sports le jeudi avant Acadia, c'est là que je me suis blessé tout de suite après. Fait que, ouais, mais ça, c'est stressé, ça, c'est des binaries. Là, t'es dans la grosse ligue. Là. C'est correct. On te rassure. On a plein de pensées positives, nous. Ça, c'est certain. Ray, on t'aime beaucoup, oublie pas. écoute, Charlie, ça fait quand même 25 minutes. Bien avancé quand même, hein, dans notre temps. Ça, c'est, oui, monsieur. C'est bien, ça. C'est ce qu'on aime. Et surtout quand on ne le voit pas passer. Je le mentionne, là, mais c'est pas parce que ça fait longtemps, puis hein, mon Dieu, on commence à s'endormir. C'est que je suis surpris, j'ai regardé le cadran, je me suis dit, ouais, encore une fois, j'ai jamais vu le temps passer. Puis, on va peut-être faire une petite pause. Puis, c'est le temps de prendre un break. Matt, je t'avais demandé par courriel en avant, je t'avais demandé une toune que t'aimerais qu'on mette pour se préparer, se crinquer pour Concordia. Qu'est-ce que t'as choisi? C'est sûr et certain que là, c'est un groupe de l'art, c'est Linkin Park. Dans leur nouveau CD qui vient de sortir, c'est No More Sorrow. No More Sorrow, Linkin Park de Minutes to Midnight. Spécialement pour les jeunes Concordia. Mal, ça, cette tune-là, hein, Matt? Ah, c'est sûr que ça arrive, je suis prêt pour jouer un match. Ouais, on est bon. Une couple de jours d'avance. Il y a un casque de football à côté, si tu veux, là. Ça me tente pas d'être blessé. Il y a de la mécanique, ton casque, parenthèse. Ouais, hey, d'ailleurs, c'est le casque de M. Jeff Turgeon, ancien rouleur. Ah, ben mon oui. Dieu. Ouais. Une relique. Il y a du vécu. Ouais, mais un beau casque des monarques. Charlie, écoute. maintenant qu'on s'est réveillé un peu, on vient de faire pas mal le tour du, comme on disait, du parcours académique à Mathieu. Le tour de notre roman. D'autres, ouais, de ben vois-tu, regarde, c'est ça, c'est une belle, justement, là, une belle ligne de continuité de fromage. Moi, je veux te parler aujourd'hui, de, évidemment, du tailgate, hein, comme on fait à chaque semaine. Oui. Cette semaine, on va l'aborder d'une autre façon. À chaque semaine, d'habitude, j'ai un bidule étrange pour, je dirais, ceux qui ont plus que les moyens de faire un tailgate. C'est quoi, l'autre jour, c'était la glacière à gaz, là? Il y a eu la glacière électrique. Il y a eu aussi les hamacs qui allaient sur le hitch de pick-up. Oui. Il y a eu aussi l'espèce de ceinture qui allait autour des petites tailles de madame. Puis un produit que je ne vais pas parler encore, c'est le Bailey Belt aussi, qui fait une espèce de grosse bedaine de bière. Vous avez un petit tuyau, puis vous pouvez le boire. Fait que je dis ça parce que ça passe parfaitement à la gate de la porte. Puis je veux faire baisser les ventes de bière, là, mais c'est en prévision du quatrième quart pour ceux qui vraiment ont un gros problème de consommation. Rendez-vous pas jusque-là. La plupart du temps, vous avez déjà votre bedaine de bière. Rendez-vous, vous pourrez pas la mettre. Rendez-vous pas jusqu'à ma photo du gars avec son saut des Vikings, le fameux Esteban qui s'est encore fait sortir par la police, s'il vous plaît. Là. Bravo aux policiers qui ont été très, très gentils et très patients avec lui. Ils ont été gentils et patients. Mais franchement, bon, là, ça, c'est un autre sujet. C'est une autre affaire. Ça, c'est des... Ce qui se passe dans le stade reste dans le stade, Charles. Non, mais moi, je veux te parler du tailgate des pauvres. Oh yes! Parce que... Tu dis ça parce qu'on n'a pas de moyens de faire notre mission? On n'a pas de moyens, non. Ça fait quelques fois là, que... Bon, nous, on est toujours avec la voiture barbecue. Je me ramasse avec un paquet d'invités. On veut toujours réussir à s'organiser quelque chose, mais d'une fois à l'autre, le problème, c'est que ça en prend un qui arrive avec son pick-up puis qui part... Merci Mathieu, je vais passer. Ça, c'est mon petit timer pour m'orienter où on est rendu. Puis, ça nous prend quelqu'un qui arrive avec son pick-up, qui traîne son barbecue, qui s'installe. Mais pour ceux qui, justement, n'ont pas la facilité pour se faire un setup comme ça, il y a moyen de faire les choses autrement. Ou qui sont trop lâches. Trop large, ça, mais ça peut être large, ça peut être aussi, oh oui. Écoute, des fois c'est le fun aussi d'arriver à l'improviste, écoute, tu viens faire un tour dans le tailgate, tu peux aussi le découvrir, puis t'es pas encore prêt à te sortir ton barbecue. Moi, je veux juste nommer quelques places qui sont intéressantes. Bon, ceux qui connaissent la voiture barbecue, je vous dirais à peu près au même emplacement, mais de l'autre côté que le chemin central. C'est-à-dire, nous, on est comme à droite... C'est côté ouest. Ben, nous autres, on est à l'est, oui. Bon, mais on va dire du côté ouest de l'entrée principale. Attends, c'est Liquor Store. Dans ce coin-là. Non, avant ça, en fait. Les même anciens... positionnement. Okay. Écoute, mêle pas les choses. Il y a une tente qui est la tente du soleil, puis qui est la tente de la cage au sport. Oui, oui. Là, tu sais, c'est où? Il y a un petit chansonnier qui joue là. Oui. À partir de, je pense, c'est 9h30. Écoutez, les prix ont monté la semaine passée. J'espère que la semaine prochaine, ça n'aura pas monté, mais ça va vous coûter un gros 5$. C'est hot dog à volonté, c'est hamburger à volonté. Écoutez, si vous êtes chanceux, comme on a été chanceux la semaine passée, ils donnaient en plus des billets de saison dans les estrades pour que les gens puissent aller s'asseoir debout. Ça, c'était gratuit. Vous amenez une parution du Journal du Soleil. Un peu. Les gens allaient s'asseoir debout. Oui, non, excuse. Puis aller s'asseoir debout. J'avoue que c'est pas clair. C'est, ouais, les gens recevaient un billet gratuit. OK? C'est-tu plus clair comme ça? Pas un billet d'admission générale, mais vraiment un billet assis. Écoute, si tu amènes ta copie du Soleil de fin de semaine, tu peux participer à un concours qui, la semaine passée, c'était des billets pour le Canadien, une paire de billets. La semaine précédente, c'était une paire de billets, si je me trompe pas. C'était pour une game des Jets de New York. Écoute, cette semaine, je sais pas qu'est-ce que ça va être, mais c'est une place bien tripante où aller. Fait que 5$, ça coûte pas cher. Après ça, vous pouvez acheter de la bière pour 2$. Un autre endroit... tripant, mais qui n'est pas toujours là. Encore là, ça vous permet de faire des petites rencontres de jolies madames. C'est la section escompte coiffe. C'est une grosse vanne qui se présente. Vous allez avoir de la nourriture gratuite si vous acceptez de vous faire, faire une petite coupe par les jolies demoiselles qui sont là. Ah oui, encore une solution pour... Il y a même des joueurs qui profitent de ces services-là, n'est-ce pas, Mathieu? J'ai expliqué, moi, il y a 5 ans, pour faire une histoire courte, pour me relaxer avant un match, parce que dans le vestiaire, c'est assez stressant là, quand tu arrives à 9h30. Mais de 10h à 10h30, je vais tout le temps faire mon petit tour dans le tailgate. Puis après 5 ans, là, je suis rendu avec plein de monde qui me suivent. Puis, il y a deux semaines, il y a un de nos joueurs qui s'est fait un petit mohawk OT dans cette dans ce stand-là. Fait que non, on n'a pas mangé de dog ni d'hamburger. Il s'est fait faire la coupe de cheveux. Il s'est préparé. Il s'est préparé pour la guerre. C'est bon, ça. Puis, une dernière place où arrêter. C'est pas une question de manger. Ben, quoi que je dis ça, puis en même temps, vous pouvez manger aussi parce que c'est au gros stand de Budweiser. Ah, ben oui. Si vous allez là, en plus, ils vont étamper vos hamburgers au fer rouge avec le logo Budweiser dessus. C'est pas une farce, Charlie. Je sais que tu m'en regardes comme si je disais une bêtise. Là. C'est bien hot, ça. Si vous voulez manger, tant mieux. Mais si vous voulez justement avoir des petits cossins pour pouvoir faire du bruit... avoir un chandail, hey. Une glacière pour traîner vos affaires. On doit souligner la magnifique performance de nos amis du Tailgate, André et Pierre-Luc, mon beau Pinot des Charentes. Les deux sont allés danser. Ça allait faire un 17 carré. Ben oui. Pour une glacière. Fait que possibilité de ramasser une coupe de prix, là, si vous n'avez pas les moyens de payer des souvenirs du Rouge et Or, entre autres, c'est la place où aller. Si vous faites le tour un peu partout, ben c'est sûr que vous allez vous ramasser avec des pout-pout qui font un peu de bruit pour alimenter la défensive. Vous allez aussi vous ramasser avec des petites mains en plastique, souvent qui viennent de Calinette. C'est l'erreur de parcours, moi, c'est qu'ils en avaient servi des. Ils en ont donné des bleus et blanches l'autre jour. J'ai trouvé ça pendant un match de McGill, si je ne me trompe pas. Je pense qu'ils vont y garder pas mal, ceux-là. Et il y a les gens du Booster Club aussi qui vendent des Top Horn. Avec le logo de Top Gun, c'est une pompe. Avec une flûte que tu pompes, écoute, ça fait un vacarme. C'est hallucinant, mais je pense que ça infernal. C'est la fin approche. Penses-tu? Je pense qu'ils ont pas mal épuisé leur lot. Je pense que l'année prochaine, ils vont en avoir. En tout cas, ils vont peut-être en avoir la semaine prochaine. On sait comment Jerry aime le son du peps. Et la semaine dernière, contre les Carabins, il y avait trois gars qui étaient derrière le banc des Carabins en permanence et qui klaxonnaient. Tout le long de la game. Moi, j'ai été après devenir fou. Ah, ben moi aussi. J'adorais ça. Par exemple, j'ai regardé les gars, j'ai dit « Good job, continuez les boys, c'est le fun. » Bon, ben t'as les oreilles mieux que moi. Moi, j'avoue que j'étais plus capable. Mais en tout cas, grosso modo, ça fait le tour des places où aller manger pas cher. Puis un petit rappel, c'est dimanche. En tout cas, je crois pas me tromper, mais c'est le concours de Chili avec... le Booster Club. Yes. Donc, ça va être l'occasion de préparer vos chilis. Puis, si vous êtes fin avec le monde, un tailgate, ça reste quand même assez ouvert. Hein. N'hésitez pas à aller voir quelqu'un, saluer. Avec un peu de chance, ben, vous allez faire un petit chin-chin, puis il va vous donner un petit morceau de son gigot d'agneau. C'est le genre d'affaire qui nous arrive de temps en temps. Donc, je vous souhaite la même chance. Maintenant qu'on a fait le tour. Oui, trêve de plaisanterie. Oui, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Il y a du football, mais juste avant qu'on aborde encore la portion football de ce qui s'en vient. Je veux juste qu'on parle pour ta dernière année. Hey, c'est vrai. Parce que c'est ça, dans le fond, là, toi, comme tu disais tantôt, t'es sur ton décompte, puis t'espères qu'il te reste encore au moins trois matchs. C'est sûr, certain que j'ai pas joué à l'autruche, comme je dis, puis tous les gars de cinquième année là, qu'on dit tout le temps, ils pensent pas. C'est sûr, certain que ça reste en arrière de la tête, puis tu le sais que c'est ta dernière saison. Moi, j'aimerais ça qu'il me reste encore deux matchs au PEPS sur notre terrain. Mais c'est, regarde, à tous les jours, on dit, bagasse, c'est une pratique de moins, mais on prend ça de l'autre côté, puis c'est une motivation de plus, puis regarde, on se donne encore plus. Puis, écoute, bon, je te souhaite que ça dure au moins trois matchs. Puis le après, penses-tu avoir la possibilité de peut-être aller vers la Ligue canadienne, entre autres? Comme j'ai dit un peu tantôt avant que ça commence, c'est sûr et certain que c'est un rêve. Tu veux tout le temps y penser. Sauf qu'avec les blessures que j'ai eues cette saison, ça serait peut-être un peu utopique. Sauf qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. La CFL, c'est une ligue qui, des fois, est assez spéciale. On ne sait jamais. Puis Ottawa, tout est possible, c'est ça. Donc, mais j'aimerais mieux de me faire un plan A qui est assez bien préparé pour l'instant. Puis que si le plan B de la CFL arrive, ça va faire plaisir. Puis dans ton cas, ton plan A, ça va être le travail en service social? Oui, c'est ça. J'aimerais être travailleur social dans une école secondaire et coach de football. OK. Je sais pas encore. C'est un beau plan, quand même. Oui, c'est ça. Je suis très content. Meilleur des deux mondes. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je garde ma passion, puis j'adore travailler avec les ados, puis avec leurs petits problèmes. Mais regarde, j'aime bien ça, puis travailler dans les écoles secondaires, gars, ça serait numéro un. Comme travailleur social puis gars de football, t'as dû tripper sur le film Gridiron Gang. C'est sûr et certain que je l'ai écouté, puis c'est sûr que c'est un peu différent parce que c'est aux États-Unis. Puis, mais regarde, des jeunes avec un parcours un peu plus difficile. Là. En plus que moi, j'ai travaillé 4 ans au gouverneur au centre de l'adaptation ici aux jeunes délinquants, fait que je faisais le parallèle assez rapidement. Ah, c'est cool, ça. Puis, mais justement, pour continuer sur ça, toi, pour toi, le football, as-tu l'impression que c'est vraiment genre un sport qui va perdre... Non, je recommence ma question. Écoute, le football, c'est un sport qui est dans un cadre scolaire. Le hockey, il ne l'est pas. Il est plutôt d'un côté civil. Mais il y a plusieurs autres sports qui commencent à continuer. Là. Basketball, qui sont scolaires. Est-ce que tu penses qu'un sport comme le hockey devrait peut-être un jour s'en aller vers une voie scolaire pour réussir à aider les garçons là, qui ont tendance à faire du dropper l'école et tout? On en entend beaucoup parler. Puis comme je vous ai dit, je suis un grand fan des Remparts. Fait que la Ligue junior majeure, je la suis pas mal. Regarde, disons que c'est un autre marché. Sérieusement, quand tu te fais repêcher et tu as 18-19 ans, c'est sûr et certain que c'est un autre marché. Je sais que la Ligue junior majeure font un excellent travail pour essayer que tous leurs joueurs graduent. C'est sûr et certain qu'il y en a qui sont bornés et qui disent non, regarde, moi je veux aller jusqu'au bout. Ils veulent tout faire. Ils se frappent le nez à quelque part. Mais regarde, je pense que c'est pas là le but de la Ligue. Je pense qu'ils veulent faire la même affaire comme l'université, que tout le monde gradue. Mais regarde, à un moment donné, c'est un choix personnel. Mais quand j'étais au PEPS à partir de 10h, il y a beaucoup de l'Académie Saint-Louis là, qui a un sport-études puis ça. Puis je pense que c'est pas pour tout le monde, l'école non plus, mais je pense qu'il y a un marché, comme j'ai dit, pour ça. Puis c'est sûr et certain que ça serait numéro un ici au Cégep. Moi, en tout cas, j'ai entendu par les branches qui voulaient ramener le hockey à l'Université Laval. Okay. Donc, c'est sûr que je pense que ça serait une bonne branche pour ceux qui, à 20 ans, ils peuvent plus aller, ils veulent pas aller dans East Coast, puis ça. Qui aillent à l'université, c'est sûr que ça serait numéro un. Mais regarde, c'est un autre sport, puis c'est un autre marché, fait que j'irai pas dans cette zone. D'accord. On va parler d'une autre zone nébuleuse dans ce cas-là. Il y a du gros football. Du gros football, oui, c'est ça. On va aller dans celle-là. Parce que ça va être quelque chose. Oui, puis c'est le fun, Philippe, tu étais là à la conférence de presse midi, puis tu as eu droit à avoir les choix des entraîneurs pour les autres matchs. Oui, ben c'est ça. En fait, je t'avoue que ça m'a surpris un peu que la question ait été posée à Glenn. Écoute, qui tu vois ailleurs dans la Ligue et tout? Moi, je me suis dit, ah, il va être prudent et tout. Ben non, let's go. Il va à cœur ouvert. Puis non, mais en même temps, c'est que c'est le fun. Parce que je dirais qu'on est, bon, on est peut-être entre une... 15-20 autour au point de presse. Puis j'ai rarement vu des gens aussi attentifs aux prédictions de quelqu'un. Puis je voyais tout le monde qui faisait « Ah, oh, ouais, OK ». Puis écoute, je veux y aller. On va commencer avec celle de l'Ouest. Oui, il y a eu des choix surprenants. Et notre ami Marton va être très content parce que je pense que Glenn, il voit Simon Fraser sortir de l'Ouest. Simon Fraser qui aurait le dessus sur Calgary. The Clan. Ben moi, je dois avouer que j'ai pris aussi Simon Fraser. Je l'ai pris parce qu'ils ont battu deux fois Saskatchewan. Entre autres. C'est sûr que c'est plus dur pour nous autres de suivre des clubs de l'extérieur. Je sais pas, dans ton cas, si tu as la chance un peu d'avoir des échos de vestiaire sur ce qui peut se passer ailleurs. C'est sûr qu'on a des échos de vestiaire, puis ils passent quelquefois des matchs à The Score, fait que des fois, on peut regarder ça. Mais je pense qu'on se concentre premièrement dans notre conférence qui est assez corsée, puis après ça, on verra. Là. Mais c'est sûr et certain que plus qu'on parle avec le monde, plus que le monde pense que ça serait Simon Fraser qui sortirait de l'Ouest. Puis toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, sérieusement, je pense à Concordia. Là. Ouais, ouais. Pas moulin à ce niveau-là. Moi, j'étais sûr que Saskatchewan... Donc, à ce niveau-là, mais regarde, comme en Ontario, Queens n'a pas sorti. Ça, mais c'est ça, des surprises. On en a eu autant dans l'Ouest que dans l'Ontario. Puis là, tu parles de Queens, mais ça a été la grosse surprise. En tout cas, moi, c'est une grosse surprise parce que quand je les ai vus à The Score jouer contre Western, qui étaient les deux équipes undefeated qui n'avaient pas perdu encore, il y avait un gros club. Là. La ligne offensive était énorme. Elle protégeait le corps arrière. Puis, garde en fin de semaine. Ottawa, c'était un club qui a eu beaucoup, beaucoup de blessures. Puis là, ils sont tous revenus. Fait que je pense qu'ils ils vont peut-être faire. C'est ça, ils ont eu un début de saison vraiment difficile. Là, ils ont repris le dessus un peu. Mais moi, je dois avouer que Queens, on en avait quelques-uns qui commençaient déjà à. Ça préparait des autobus. Là, on en a un, entre autres, Mammouth, là, qui lui est un, a étudié à Queens. Puis, oui. Ben c'est ça. Donc, lui, il se disait, écoute, le samedi, c'est excellent. On s'en va à Queens. On va aller fêter un peu. Puis, le dimanche, on redescend à Québec. Écoute, il y en a des... Ah oui, ça se préparait. Ça se préparait un voyage en autobus. Ben, ça se préparait. Puis, moi, je trouvais quand même que c'était le fun. Puis, je pense que tout le monde a été surpris de ne pas voir Queens. Belle bataille. Le Western, en Ottawa, là, c'est... Ben, Western, écoute, t'es connais. T'as joué contre. Oui, ça fait 2 ans d'affilée que j'ai joué contre. Ah oui. C'est le gros tackle à gauche à Team Canada. Team Canada. C'est une très bonne équipe. Là. Le monde qui pense là, que c'est la même équipe qu'on a joué en pre-season, là, détrompez-vous. Good. Eux autres aussi, pendant la saison, ils se bonifient tranquillement, pas vite. C'est puis ils affinent leur qualité. Puis Dieu sait qu'ils en ont des qualités. Là. Fait que moi, en tout cas, personnellement, je sais que je vais me mouiller sans trop de problèmes. Moi, j'ai toujours eu un faible pour les GGs. Ça, c'est pas nouveau, mais ça sera pas les GGs. Oh! Non, non, moi, sérieusement, j'y vais vers Western. Ouais. Donc, je pense que une valeur un peu plus sûre pour passer au travers des GGs. Mais comme je dis, je sais pas pourquoi. C'est parce qu'ils ont été dans la conférence Québec, là. Mais j'ai toujours gardé un gros faible pour les GGs. Moi, Ben, t'as toujours aimé Phil Côté. Ah oui. C'est pas mal la grosse raison. Ça va rester un de mes favoris, fort probablement. Toi, Charlie, tu t'essayais pour qu'on puisse rigoler? Mais moi, j'aime bien Western. J'aime bien ce qu'on a vu d'eux autres. J'aime bien ce qu'ils ont fait en saison aussi. Fait que je pense que Western... Oui, franchement, là. Non, Western, je pense qu'ils vont réussir à sortir de là. Puis je les vois même éventuellement être nos adversaires à la Coupe. Être l'adversaire du champion de la Conférence Québec à la Coupe Vanier. Ah, c'est bien dit, mais en tout cas, pour supporter dans ta démarche, Glenn aussi est d'accord avec Western. La question est contre qui vont jouer dans les Maritimes. Oui, ça aussi, c'est une autre affaire. Ça, justement. Puis là, Glenn a pris la peine de dire que c'était une prédiction concertée de lui et Justin. Puis qu'eux s'attendent à une surprise. Donc, je veux dire, s'attendent à une surprise, on s'entend que c'est parce que je pense que tout le monde donnait un peu la victoire à St. Mary's. Écoute, ça m'a fait douter. J'ai sûr que j'ai pas pris St. Mary's. Saint-Effect, du tout. Je me suis dit, on n'aurait pas été porté non plus à prendre St. Mary's, mais Saint-Effect ont quand même causé des surprises. On n'aurait pas été porté, oui, à prendre Saint-Effect. Ils ont causé des surprises, puis souvent... Dans une grosse game la semaine passée, entre autres. Quand tu prends un gros élan comme ça, là, oh, c'est bon pour la confiance, ça. C'est sûr que leur très bon running back, là, je ne me rappelle pas du nom, il faudrait que j'appelle notre magnifique Maxime Bérubé, qui sait toutes les statistiques des autres équipes, je le salue en ce moment, mais je ne connais pas son nom, mais il nous a dit que leur running back était de retour, puis courir sur un turf, là, c'est sûr que ça l'aide. Parce qu'on se rappelle l'an passé, quand on est allé à Saint-Effect, leur terrain est un petit peu pitoyable. Oh boy. Donc. L'Atlantique. Ben, moi. Ça va être vraiment excitant. Ouais, moi, j'ai hâte de voir. Je trouve que pour une fois, il y a eu des belles surprises un peu partout. Il y a des matchs que ça va être loin d'être joué. St. Mary's. En plus, St. Mary's a eu un bail la semaine passée, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas joué du tout. Ça, le dingue, ça doit pas être facile du tout. Hein? Ça va-tu aider Glavik à revenir? Ah! Ça, oui, effectivement. Quand même, hein? C'est embêtant. C'est... Mais St. Mary's, moi, je vais avec St. Mary's. Je vais lier avec St. Mary's. Ils sont toujours capables de sortir la grosse game. Ils sont là. Bon, moi, je évidemment aussi, je vais y aller... Je suis allé contre Glenn et Justin, puis moi aussi, je pense que c'est Saint Mary. Nous autres, on connaît ça, le football, cibole. Oui, exactement. Non, mais tu peux être sûr qu'après ça, j'ai comme fait, ouais, OK. Dans le fond, s'il y avait un mise au jeu, tu peux être sûr que j'aurais pris prédiction avec Glenn. Je trouvais ça impeccable. Puis, ben là, évidemment, nous autres, on va se prononcer, mais on pense que ça va être une bonne game en fin de semaine. Ça va être contre les... Il y a la rivalité, là... pas psychologique, mais émotive avec les Carabins. Mais comme club de football, là, Concordia, à chaque fois, c'est un beau spectacle, un bon spectacle. C'est toute qu'une équipe. C'est sérieusement, là, Concordia, là, Je sais pas, en tout cas, ça fait 2 ans d'affilée que sûr qu'on est contre eux autres à la Coupe d'Anse. Ça fait 4 fois en 6 ans. Ben, 4 fois en 6 ans, fait que ça veut quand même tout dire. Puis il y a une couple de fois qu'ils ont battu les Carabins avant d'arriver à la Coupe d'Anse. Donc, c'est sûr qu'ils ont un très bon coaching staff. Ils ont des athlètes assez incroyables de l'autre côté. Là. Deuxième année, leur carrière, Liane Mahoney, là, en 2 ans, il a accompli de très belles choses. Puis c'est sûr que c'est une menace constante. Puis il y a Corey Watson, receveur, en tout cas, il y a une très bonne ligne offensive. Puis on parle d'un excellent front défensif aussi. Donc, oui, bien, c'est ça. C'est sûr et certain que ça va être un match assez serré. Justin Pliglen, c'est un des points, entre autres, qu'il apportait, c'est que Laval, oui, une excellente défensive. Mais probablement qu'en fin de semaine, vous allez affronter une des 4 meilleures défensives au pays, fort probablement. C'est sûr et certain, puis c'est indéniable. Greenwood a un excellent secondaire, il est rapide. Dans le jargon, on dit il shoot les gaps, puis il va fort, puis il peut plaquer beaucoup de running back, nous autres, dans le backfield. C'est un autre qui aimait ça cogner dans son enfance. Ça, hein? Je pense que ça, c'est indéniable aussi. Je pense que non, ils ont des très, très, très bons secondaires, puis ils ont des gros joueurs de ligne défensive. Fait que, encore là, je pense que notre ligne offensive, il faut qu'il tire un excellent. Il faut qu'il travaille fort. Ouais. Puis, On en parlait tantôt avant l'émission. Marco Brouillette, on le sait, c'est un gars qui court. Il est très mobile, mais il est mobile nord-sud. Donc, c'est sûr qu'il va courir vers l'avant, rarement vers l'arrière, un peu débordé sur les côtés. Liam Mahoney, c'est un gars qui va dépenser beaucoup d'énergie à courir est-ouest pour trouver, pas nécessairement la meilleure course, mais trouver le receveur qui est. Ouais, c'est ça, mais Carabins, il fait un move, comme on dit, puis après ça, il baisse le casque, puis il va chercher des verges supplémentaires. Mahoney est complètement différent. Il peut courir à droite, après ça, revenir à gauche, revenir, puis lui aussi, il baisse le casque. On l'a vu, moi, je me rappelle du premier match qu'ils ont joué contre Bishop, 3-4 fois, le casque, il sortait de la tête, puis il a pas peur de baisser le casque, mais il est beaucoup plus agile. Ça, c'est sûr et certain. Puis quand ça achète du temps comme ça, les receveurs peuvent trouver des entre-zones, puis après ça, ils peuvent nous faire mal. Fait que c'est sûr et certain qu'il faut l'avoir à l'œil. Est-ce que c'est plus difficile à lire un corps arrière comme Liam Mahoney qu'un gars comme Brouillette? C'est sûr que c'est deux styles différents, sauf que c'est quand même deux corps arrière qu'il faut mettre beaucoup d'emphase durant les entraînements pour, quand on parle des joueurs de ligne défensive, c'est pas faire les fous rentrant dedans, garder vos rush lanes, comme on dit, leur corridor de pression en français. Ensuite, ben c'est sûr et certain que quand on voit qu'un corps arrière comme Liam commence à courir d'un bord puis de l'autre, les demi-défensifs, il faut qu'ils lock, comme on dit, avec un receveur de passe, puis il faut pas qu'il le laisse aller. Il faut pas qu'il l'échappe. Il va laisser des entre-zones. Puis c'est souvent là que, ça, au niveau de la confiance de la défensive, ça peut faire mal parce que quand il commence à courir à gauche puis à droite, ça veut dire qu'on a une pression sur lui. Ça veut dire qu'on fait une bonne job. Sauf que quand il complète des passes de 20-25 verges, on dit tab. Quand est-ce qu'on va l'avoir? On espère que ça n'arrive pas en fin de semaine. Oui, bien, je lisais dans le journal ce matin que la tertiaire se met beaucoup de pression pour ce match-là. Hein. C'est sûr et certain que quand on a joué 2 matchs contre eux autres, premièrement, le 2e match qu'ils ont joué à domicile, c'est le plus de verges qu'on a accordé au niveau de la défensive dans un match. Fait que ça, c'est une. Il faut remettre les pendules à l'heure, puis ça, c'est une motivation supplémentaire de la défensive. Mais disons qu'en début de saison, ils couraient beaucoup, mais là, c'est rendu qu'ils passent beaucoup. Il passe donc, beaucoup maintenant. On est tout le temps entre les deux. Là. Il va-tu courir, il va-tu passer. Fait qu'il nous laisse un peu sur les talons, mais là, en fin de semaine, il faut se mettre à la pointe des pieds puis il faut y aller par en avant. Puis je dirais que c'est un peu la même chose, par exemple, du côté de Laval. C'est qu'au moment où vous avez affronté Concordia, ça cherchait peut-être un petit peu plus au niveau du sol pour la course. Là, il y a Sébastien Lévesque. Mais Concordia est quand même une équipe qui n'a jamais accordé plus de 100 verges depuis le début de la saison contre la course. Donc, ça va être exactement, c'est ça. C'est pour ça que ça va être une bonne game. Oui. Ah, puis ça avait été le match le plus serré aussi, comme Concordia. C'est eux autres qu'on a accordé le plus de points, le plus de verges, puis où est-ce que ça a été le plus serré. Puis dans un back-to-back, là, c'est la 3e fois. Moi, c'est la première fois que j'affronte une troisième fois. Dans... Fait que c'est sûr et certain qu'il y a beaucoup de spéculation, mais il faut arriver en forme. Il faut avoir une bonne communication et tout sur la même page. Puis j'espère que ça va bien aller. Oui, je l'espère aussi. Ça va jouer beaucoup, je pense, dans les 2 premiers quarts. La première demi, là, ça se peut qu'elle dicte des affaires. Mais J'ai bien aimé notre dernier match contre les Carabins parce que beaucoup de monde disait que ça allait être facile, ça allait être facile. Mais le premier quart, regarde, on les a tenus. Ça, t'sais, on a monté beaucoup de caractère. Fait que ça, en fin de semaine, ça part pas comme on veut. On va garder la tête froide. Puis si c'est là que les vétérans, il faut montrer le chemin. Puis regarde, ça va bien aller étape par étape. Puis après ça, on espère soulever la coupe. Vous avez un bel atout dans votre jeu. Là. Puis ça, je pense qu'on le dira jamais assez, là, mais ça reste Milo. Oui, ça c'est sûr. C'est... En tout cas, je, à chaque semaine, d'une semaine à l'autre, je suis toujours épaté par le travail qu'il peut faire. C'était pas facile là, en fin de semaine. Il y a quand tu même. Tu peux me le dire parce que c'est moi le punter avant. Ah oui. C'est vrai. C'est vrai. Ah oui. C'est vrai. T'as pu être stressé. Ah, il est hallucinant. Ça n'a pas de bon sens. Moi, quand je suis rentré au Peps là, de bonne heure à 9h. Samedi passé, puis j'ai vu les fanions puis tout dans le tailgate bouger comme ça. Là, je me suis dit, oh tabarouette. Mais c'était pas moi qui puntais, fait que j'étais bien heureux. La dernière fois que j'ai eu ce sentiment-là, c'était en 2006 à Saskatoon, qui était assez incroyable. Oui. Mais là, j'y pense plus. Puis là, c'est rendu plus de stress, mais c'est sûr que. C'est moi qui ris de lui maintenant, puis l'encourage. Il fait vraiment un travail incroyable. Le nombre de points, écoute, ça a fait des touchés de 8 points. Là, je veux dire ça. Toutes les équipes en veulent. Là. Ouais, quand on s'est rendu qu'on a des kick-offs, les bottés d'envoi, puis qu'on va chercher des 1 point, des 1 point, des 1 point, là. Ça, c'est des points en banque à l'autre bout, l'autre équipe n'a pas. Fait que, ouais, c'est sûr que c'est. C'est ça, c'est vrai. Puis je pense qu'il y a une excellente saison, puis avec tout le pourcentage qu'il y a, puis regarde, c'est incroyable. Puis regarde, on parle de Concordia, le premier match là-bas, quand il en a fait 7, c'est un peu à cause de lui qu'on a gagné. Fait que, non, on le mérite, il revient. À la ligne offensive, au snapper, c'est sûr, à Matt Leblanc qui tient la balle, mais en fin de compte, c'est lui qui botte, fait que. Numéro 1, c'est sûr. Ça va être bien gros. Oui, Charlie. Yes. Hey, Matt, il va falloir qu'on se laisse éventuellement. Il va falloir qu'on t'envoie te coucher si tu veux être en forme en fin de semaine. Oui, je le mets ça. Évidemment, quand on est étudiant athlète, faut avoir un petit sideline à quelque part. Faut réussir. Donc, t'habites-tu encore chez tes parents présentement? Présentement, je suis encore chez mon père. Okay. Effectivement. Mon Dieu, c'est. Allô, potin? Oui. Faut gagner sa vie à quelque part. Yes. Comment va ta contrebande de gants cutters dans le vestiaire? Oh, on a des petits On a des informateurs. Disons que, sans farce, là, on rit bien, mais sérieusement, je fais aucune pièce avec ça. À chaque année, non, c'est vrai, à chaque année, c'est moi parce que je travaillais avant au Sport Contact à Charlevoix, boutique de sport numéro 1. Et je suis passé là à matin. Ah ouais? Oui, c'est là que j'étais à matin quand okay, tu m'as oui, c'est vrai. Donc, dans les blogs, c'est là que tu retrouves tous les articles de sport que tu veux. Puis pour Noël, il y a du stock en tabarouette. Fini le blog. Non, mais c'est ça, j'ai travaillé là. Puis on avait des contacts avec Cutters. Puis ça, ça fait 4 ans. Qu'on fait nos cutters nous-mêmes. On design nos cutters. Les boys, ils aiment bien ça. Puis même les joueurs dans la région en veulent, mais on n'en fait pas. Mais sérieusement, je fais pas. À part que mes cutters, des fois, le propriétaire m'y donne, mais je fais aucun argent avec ça. Puis c'est ça, je fais aussi Under Armour. Puis les gars, quand ils n'ont pas d'auto, sont à Sainte-Foy. Puis la boutique est à Charlebourg. Ça fait un peu de voyage. T'as fait le transport. Côté, fait que ça me fait plaisir, mais je fais pas d'argent avec. Ah, ok, c'est correct. Mais quand tu dis que vous faites le design là, des gants, c'est vraiment, je veux dire. Pour l'avoir à vos couleurs. Oui, la première année, là, on les avait mis toutes rouges, dedans rouges, blancs. En tout cas, on peut faire plein d'affaires. Mais là, ça fait 4 ans là, qu'on n'a pas le même modèle. Ils sont blancs, rouges, hein? Blancs avec les coutures rouges, ouais. J'invite les spectateurs à regarder. Ben, ils en vendent chez Sport Contact. Ah, ouais, c'est ça, mais c'est bête, ça. Les gants, là, c'est vous autres qui voulez payer ou c'est. Parce qu'il ne faut pas trop le dire trop fort, parce que nous autres, on est sponsés par Nike. Puis, en tout cas, moi, personnellement, j'aime mieux les gants cutters. Fait que vu que c'est cutters, il faut que ça La grippe est bien meilleure chez cutters, madame. C'est plate, c'est là. Sûr, mais... Moi, j'aime bien mieux la grippe là-bas. Fait que c'est sûr, fait que vu qu'il faut se les payer, mais on a un excellent prix avec ça. Okay. Et dernière question des auditeurs que je reçois ici. Oui. J'ai des petits deux. J'en reçois ça quasiment en direct, là. C'est live. Il faut que tu nous parles. Il faut vraiment que tu nous analyses le départ d'Olivia avec option double. Oh my god, là, les potins. Ça a l'air, t'es son fan numéro 1. J'étais un peu surpris de pas t'avoir vu arriver avec un t-shirt avec sa face dessus, là. Mais... Sam Lajoie, ça fait 3-4 ans qu'on se fait un pôle à chaque année de savoir c'est quelle fille qui finit. Puis ça fait 2 ans que c'est moi qui gagne. Donc, c'est ça, je les bavais un peu. Puis cette année, vu que c'est moi qui avais gagné les dernières années, j'avais le dernier choix et je pensais qu'Olivia allait gagner. Mais malheureusement, ça s'enligne pas mal sur le choix d'Olivier Turcotte, le tournoi. Oh! Étais-tu cute au moins, Olivia? Oh, ouais, t'as bien correct. Étais-tu bitch un peu? C'est une bonne joueuse. C'était une bonne joueuse. Mais je l'ai pas trop suivi. Puis regarde, en plus, pour dire en plus que là, je ne les suis pas pendant tout, on est jeudi, puis je suis en train de faire l'émission, donc je sais pas c'est quoi les nouveaux potins. Non, tu peux te dire que t'as... Que t'as des bons contacts à l'intérieur du on est bien plugué. On est bien plugué. Il n'y a pas une question d'auditeur. Ben ouais, sérieux. J'en aurais d'autres, mais je vais regarder ça pour plus tard. Quelque chose, t'es... Wow! Charlie, hein, c'est du journalisme de profondeur. Oui, monsieur. Écoute, comme toute bonne chose a une fin, à chaque semaine, on dit la même affaire. Hein. Comme toute bonne chose a une fin. Mais c'est le fun comme ligne de conclusion. Ça se place bien dans une phrase. Ça se place bien. Non, non, non, après, non, faut pas. Non, c'est ça, parce que nous autres, on revient si Laval continue. On revient même si Laval continue pas. Ben oui. Parce que je le dis à chaque fois, je le demande à Christian de faire du bruit en défensive. Il y en a beaucoup qui me disent pourquoi, pourquoi. C'est vraiment pour briser leur timing à l'offensive parce qu'il se fie tout le temps au corps arrière. Puis je lance le message, je veux pas voir une étape avant la Coupe Dunsmore. Mais si l'Ouest vient à Québec, je peux vous confirmer qu'eux autres, leur plus grosse foule est 2000, 3000 personnes. Puis le 13e joueur va être vraiment important, comme en fin de semaine. Fait que venez en grand nombre, puis... Quand on vous demande de crier, essayez de crier le plus fort possible. On va dire comme dans un film célèbre, il faut qu'il ait peur. Il faut essayez de venir en grand nombre et crier le plus fort possible pour nous autres. Toi, nous autres, on va se faire plaisir. Moi, comme à chaque... Ben toi, Charlotte, tu peux pas crier. Non, je peux pas, mais de plus en plus, durant les games, je deviens de plus en plus émotif. Puis je crie, de plus en plus, je suis dans mon Kodak, puis je crie, puis je passe à côté des linemen, une petite tape sur l'épaule, une petite tape dans la main, puis ah, c'est dur de rester impatient. Ben, moi, aller crier, de toute façon, moi, j'adore m'assurer que les gens prennent ma section, vont crier. La semaine passée, j'étais juste devant M. Tanguy, qui a une bonne voix. Faites-vous-en pas, il laisse pas crier les autres, ça c'est certain. Ben, comme on disait, hein, toute bonne chose à une fin. Dimanche matin, tailgate, après ça, la game. On amène nos cordes vocales. On fait du bruit. Puis, grâce à tout ça, on s'en voit la semaine prochaine. Mathieu, merci beaucoup. On va être pas loin d'un nouveau record, nous autres aussi. Mais bien. Puis, écoutez. Eh bien, merci énormément d'être venu. Puis, on s'en va en fin de semaine. Puis, ben, pour les autres, on s'en va ça jeudi prochain. Puis on s'en va ça sur le forum. Sur le forum, bien sûr, n'hésitez pas à nous dire vos commentaires, comme toujours.